Les éditions de l'Avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rhodan, tels que rédigés par Michel Van Rue. Cycle 4, le Deuxième Empire. Le fascicule allemand numéro 150, le spécialiste de l'OMU, écrit par Kohashir en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 66, Menace sur les mutants, paru chez Fleuve Noir en 1984. En 2115, Atlan a démissionné de son rôle d'empereur et a fondé l'Organisation des Mondes Unis, OMU, une force de défense galactique disposant de ses propres moyens. L'Alliance galactique a donné naissance à l'Empire Uni, qui comprend les anciens empires Arconide et Solaire. Son chef est Perry Rhodan, avec le titre de Grand Stellarque. En 2326, le spécialiste de l'OMU, Lémi Danger, un Sigan, arrive sur la planète Arconis 3. Il gagne le central de communication de l'OMU et un transmetteur l'envoie sur Quinto Center, le QG de l'organisation, une lune évidée. Là se trouvent Perry Rhodan et ses principaux collaborateurs. La situation est grave. L'immortel a annoncé qu'il ne pouvait plus accorder de douche cellulaire. Or, trois mutants et Reginald Bull sont arrivés au terme de leur période de 62 ans. L'être communauté a dispersé 25 activateurs cellulaires dans toute la Voie lactée et toute la galaxie est prévenue. Une chasse impitoyable se prépare. Danger et son confrère Melbar Kassam, un étrusien, sont chargés d'enquêter sur la planète Aknor où une guerre civile a éclaté. Un vaisseau de la flotte d'exploration, un explorateur, a été confisqué et son équipage emprisonné. Le Kazo 5, le vaisseau de Kazam, qui se fait passer pour un lourd, part pour la planète. En arrivant dans le système, ils sont attaqués par une nef cylindrique. Le Kazo 5 se pose tant bien que mal. Les Aknoriens emportent le spécialiste Argo Mudpold, gravement blessé, et fouillent le navire. Mudpold trouve bientôt la mort d'une embolie pulmonaire. Lémi Danger, déguisé en oiseau, prend contact avec les hommes de l'explorateur X-1207. Les spécialistes rejoignent les rebelles, des colons qui se sont révoltés contre le gouvernement central. Ils apprennent qu'un vaisseau inconnu s'est posé récemment dans les montagnes. Sa description indique qu'il s'agit d'une nef aconide. Les aconides ont un comportement étrange. Ils portent toujours des spaciandres et ont même abattu un des leurs. Kazam capte alors les impulsions brève-brève-longue-brève-brève en ondes ultra-courtes, signal caractéristique de la présence d'un activateur cellulaire. Lémi Danger s'introduit dans la nef aconide. Il apprend que la guerre civile est l'œuvre des aconides et que la folie qui s'empare du voisinage est due à l'activateur cellulaire. Le Sigan parvient à s'en emparer et, dès qu'il a mis la main dessus, le rayonnement de folie disparaît. Un croiseur de l'OMU détruit la nef à Conide et Danger remet l'activateur cellulaire à Atlan afin qu'il le donne à Reginald Bull, pour qui le délai est bientôt écoulé. Le fascicule allemand numéro 151, Signaux de l'éternité, écrit par Clark Dalton en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 66, Menaces sur les mutants, paru chez Fleuve Noir en 1984. Le croiseur lourd Nostaza, avec Perry Rodden à bord, quitte Arcanis pour se rendre sur Délos. Atlan le rejoint en route et l'émir remet à Bull l'activateur cellulaire trouvé par le spécialiste Lémi Danger. Quand ils arrivent près de la planète artificielle, celle-ci est visible en absence du champ temporel. L'immortel annonce alors que Délos va être détruite car il doit fuir devant un grave danger. Il confie au Monk, au Terrien, et disparaît. Délos est détruite dans un incendie atomique. Des signaux d'activateur cellulaire ont été captés sur la planète Onur, attirant à la fois francs-passeurs et terriens. Quand la nouvelle est connue à bord du croiseur de l'Empire Nusis, le chaos s'empare de l'équipage, chacun voulant pour lui l'activateur, malgré les ordres du commandant, lui-même tiraillé. Le navire franc-passeur Cam 5 du patriarche Gol Kamer en profite et abat le Nusis. Seule une chaloupe avec quelques hommes peut en échapper. Sitôt à terre, il se lance à la recherche de l'activateur. Une course-poursuite s'engage entre terriens et francs-passeurs, la situation étant aggravée par le fait que des humains se montrent prêts à tout pour s'emparer de l'activateur, quitte à pactiser avec l'ennemi. Un groupe de terriens finit par s'emparer du croiseur de Kamer, mais poussé par la folie de l'immortalité, plusieurs se sont entretués. Les francs-passeurs encerclent leur propre vaisseau, tandis que d'autres terriens suivent Gol Kamer. Ce dernier finit par trouver l'activateur. Il prend la fuite, mais après d'une longue poursuite, il le remet à son fils, Fela Kamer. Quand il est pris par les terriens, il n'a plus rien sur lui. Un croiseur solaire arrive, mais suite à la trahison du terrien Alan Pollard, les francs-passeurs parviennent à s'en emparer. Il a eu le temps d'émettre un appel de détresse qui est reçu par le Nostaza. Le croiseur fait immédiatement route pour Onur. L'émir amène Pollard devant Rodden. Il récupère ensuite l'activateur cellulaire, provoquant ainsi la mort de Fela Kamer. Le Cam 5 est détruit et tous les francs-passeurs se rendent. Le fascicule allemand numéro 152, Plus grand que le soleil, écrit par Kurt Brand en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 67, Le Mirage de la Montagne Chantante, paru chez Fleuve Noir en 1985. L'explorateur X-2115 est en mission au cœur de la galaxie. Alors qu'il vient de quitter un système, il détecte une mystérieuse éruption de lumière qui semble le suivre. Le scientifique non-conformiste Till Leyden détermine qu'il s'agit d'un rayon détecteur venant de l'hyperespace. Il utilise une théorie controversée pour déterminer la présence d'un système solaire, pourvu de plusieurs planètes, et contre toute attente, sa prédiction se réalise. Le navire s'approche du système, lequel possède une planète qui est plus grande que son propre soleil. Cette géante de méthane glacé est baptisée Hercule, et le soleil X-2115-485. Plusieurs lunes sont habitables. L'explorateur X-2115 s'approche de l'une d'elles où les traces d'une antique civilisation sont reconnues, Majestas. Les signaux d'un activateur cellulaire sont alors perçus, ce qui explique la fascination qui les a attirés là. L'immortel se manifeste aussi. Le vaisseau se pose et, brusquement, tous les systèmes énergétiques s'arrêtent. L'équipage découvre sa stupeur qu'ils ont été projetés dans le passé, 38 000 ans plus tôt, et qu'ils ne disposent plus de technologies modernes. Un combat s'engage avec les indigènes, avec uniquement des armes artisanales, en particulier des gaz lacrymogènes. Alors que la situation devient dramatique, les terriens sont brusquement ramenés au présent. Même les hommes tués au combat sont de nouveau vivants. Tirleden trouve l'activateur cellulaire qu'il remet au lieutenant-colonel Thomas Herzog. Il découvre ensuite une installation incroyable au cœur des montagnes. Une maquette à l'échelle de la Voie lactée. Ce planétarium date de plus de millions d'années et est attribué à un peuple baptisé, faute de mieux, les Grands Anciens. Le fascicule allemand numéro 153, Une poignée de vie, écrit par William Voltz en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 68, La valeur de la vie, paru chez Fleuve Noir en 1985. En avril 2326, le cargo Olyra est en route pour la planète Sphinx. Hendrik Wooner, qui désire émigrer sur Sphinx, est confronté à Oliver Buchanan, un vieil homme prêt à tout pour s'emparer d'un activateur cellulaire. Buchanan s'introduit dans le poste de commandement et sabote les installations. Le vaisseau est brutalement rejeté de l'espace linéaire. Les impulsions caractéristiques d'un activateur cellulaire sont alors détectées. Le commandant Fred Mann veut remettre l'appareil à Perry Rodden, lequel a promis 10 millions de dollars à qui en ramènerait un. La folie s'empare des passagers et de l'équipage, et le cargo s'écrase à la surface d'une planète, Vélandre 2. Le seul survivant est Hendrik Wooner. Un vaisseau ARA, le Kotark, capte aussi les signaux et s'approche de la planète. Hendrik Wooner sort de l'épave de l'Olyra et parvient à trouver l'activateur cellulaire. Il est aussitôt pris en chasse par les ARA. Après les avoir affrontés, Wooner s'approche du Kotark déserté. Il pénètre à bord et menace les quelques ARA encore présents pour qu'ils le ramènent sur la Terre. Il parvient à ses fins et le Kotark s'arrache au sol de la planète, laissant derrière lui de nombreux ARA. Quand le vaisseau arrive à destination, Hendrik Wooner découvre qu'il s'est fait avoir par le commandant, Efner Seten, et qu'il se trouve en fait sur Aralon. Le terrien prend la fuite. Le fascicule allemand numéro 154, Le traqué d'Aralon, écrit par William Voltz en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 68, La valeur de la vie, paru chez Fleuve Noir en 1985. Hendrik Wohner, en fuite sur la planète Aralon, se réfugie dans la boutique de Lara, Darfas. Voyant que le terrien possède un activateur cellulaire, Darfas décide de faire alliance avec lui dans l'espoir de s'emparer du précieux objet dès que l'occasion se présentera. Sorgon et Efner Seton, les deux Aras venus avec Wohner à bord du Kotark, disparaissent dès l'atterrissage dans l'intention de mettre la main sur l'activateur cellulaire avant tous les autres. Wohner veut rejoindre la base de l'Empire située à Dune, de l'autre côté de l'océan. Pour cela, il lui faut d'abord rallier la ville de Pash, où se trouve une station de transmetteur. Mais les forces de police, alertées par la disparition de l'équipage du Kotark, gênent leur progression. Des barrages ont été disposés autour de Pash. Bien que Darfas tente de tuer Wohner, ils restent ensemble, le terrien ayant besoin de Lara. Efner Seton est aussi arrivé à Pash. Comprenant que le terrien n'arrivera jamais à atteindre les transmetteurs, il lui tend un piège en menaçant Kaer Bazan, un loueur de bateaux, mais celui-ci déjoue son plan et quand Wohner et Darfas se présentent, Efner Seton est neutralisé. Darfas et Efner Seton sont enfermés à bord de bateaux appartenant à Kaer Bazan. Sorgon, l'acolyte de Efner Seton, a été arrêté et interrogé. Tab, le grand orateur du Conseil des médecins, envoie aux trousses des fugitifs Uvazar, le chef des services secrets. Avec ses hommes, il remonte la piste des fugitifs et arrête Kaer Bazan. Continuant sa traque, il finit par disparaître sans laisser de traces. Hendrik Wohner, voyant que cette voie lui est barrée, se rend au centre de Pash et contacte Spencer Legart, commissionnaire terrien d'une société de transport, pour qu'il l'aide à rejoindre Dune. Mais même ce compatriote le trahit, attiré par l'activateur cellulaire. Wohner comprend à temps et, au lieu de s'enfermer dans une caisse devant être emporté dans la propriété de Legart, il s'introduit dans une autre qui l'amène enfin à Dune. Hendrik Wohner prend contact avec O.D., le commandant de la base, et l'informe qu'il veut rendre l'activateur cellulaire au Stellark pour mener enfin une vie normale. Pebby Rodden vient en personne. À cette époque, 9 activateurs seulement ont été trouvés. Rodden prend l'activateur et, en échange, Wohner reçoit un chèque de 10 millions de dollars. Le fascicule allemand numéro 155, Les esclaves de nulle part, écrit par Kurt Marr en 1964, ne fut pas traduit en français. Trois anciens officiers de l'astromarine solaire, Bran Cathay, Mark Toss et Baxter Brown, achètent un navire, le New Brisbane, pour se lancer à la recherche des activateurs cellulaires en 2326. Le signal caractéristique les amène sur une planète censée être déserte, mais qui abrite une population d'individus en mauvaise santé. Nulle part. Là, ils sont immédiatement arrêtés par une femme policière, Garrika, et amenés devant le tribunal suprême, dirigé par le dénommé Lemmy Pert, qui les condamne à l'esclavage. Le New Brisbane est détruit par sécurité, mais Brown est tué en essayant de s'évader. Cathay et Toss sont pris en charge par Garrika. Amenés dans la maison de celle-ci, les terriens s'évadent et prennent Garrika et sa compagne, Eda, en otage. Ils apprennent ainsi que les Aras déportent sur nulle part tous les malades qu'ils n'ont pu guérir, protégeant ainsi leur réputation. Garrika a été chargée, par les Aras, de surveiller tous les étrangers. Les deux femmes passent du côté des terriens et tous quatre, entreprennent de fuir en direction des montagnes où doit se trouver la base Ara. Ils sont d'abord pris en chasse, mais la poursuite est très vite interrompue. Ils affrontent les dangers de la jungle et tombent sur un piège destiné aux serpents à fourrure, une espèce indigène très dangereuse. Un glisseur Ara apparaît bientôt pour s'emparer de l'animal, mais les quatre fugitifs s'en emparent. Grâce au système de pilotage automatique, ils accèdent à la base, cachée au cœur des montagnes. Après une errance à travers les installations souterraines, ils sont arrêtés. Leurs interlocuteurs sont Lémipert, un de ces hommes Capac, en fait le contact des Ara, et un médecin galactique, Djerpoka. Le plan des Ara devient apparent. Ils ont construit des centaines de faux activateurs cellulaires pour semer les confusions, tandis qu'eux cherchent les vrais. Ils utilisent une sécrétion du serpent à fourrure pour faire croire à un effet d'énergie renouvelée. Martos s'évade et parvient à envoyer un SOS à partir d'un hypercom. En partie grâce à l'aide de Nara, il arrive, plus tard, à tenir, sous la menace de son arme, Lémipert, Capac et Djerpoka. Pert est tué au moment où les premiers croiseurs de la flotte font leur apparition. La base Ara est démantelée et les deux terriens et leurs compagnes sont ramenés sur Terre à bord de la nef amirale d'Atlan. Le fascicule allemand numéro 156, Limi et le Batrachosaur, écrit par Kohashir en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 67, Le Mirage de la Montagne Chantante, paru chez Fleuve Noir en 1985. Sur la planète Ezal, dont la civilisation se trouve au niveau de l'Empire romain, des machines nucléaires ont été détectées et des prêtres de Baalol causent des troubles. La mutante, Anslon, et l'anti-Ebrolo ont été envoyés en mission, mais Ebrolo a assassiné Anslon et s'est emparé de son activateur cellulaire. À cette époque, déjà 19 activateurs ont été trouvés. Lémi-Danger est envoyé en mission sur la planète. Il sera à Maikino, la capitale de l'Empire Solani. Le spécialiste de l'OMU, Melbar Kazam, y joue le rôle d'un gladiateur et Atlan, celui d'un mendiant. Melbar Kazam affronte un Batrachosaur, un saurien géant, dans l'arène et il est secrètement aidé par Danger, ne pouvant utiliser toute sa force au risque de trahir sa véritable origine. Après le combat, les agents de l'OMU sont confrontés aux Anti qui contrôlent la société des Ailes. Les Anti attaquent Ebrolo et le tuent. Le grand prêtre, Mahanakul, s'empare de l'activateur cellulaire. Lémi-Danger le suit jusqu'à des installations souterraines remplies de machines inconnues. Le Sigan tire sur Mahanakul et, par accident, touche l'activateur cellulaire. Le grand prêtre est tué sur le coup et une onde de choc quintidimensionnel secoue la galaxie. Une escadre terrienne débarque et arrête les Anti. Le fascicule allemand numéro 157, Explorateur en danger, écrit par Clark Dalton en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 69, Le Fléau de la Galaxie, paru chez Fleuve Noir en 1986. L'explorateur 3218, sous les ordres du lieutenant-colonel Jack Schoenpahl, est en mission d'exploration dans la galaxie. Début août 2326, il détecte des impulsions semi-organiques émanant de Zanmalon, une planète d'un système situé à 12 212 années-lumière de la Terre. Le vaisseau se pose et plusieurs groupes partent en exploration. on découvre dans les montagnes des cavernes parfaitement rondes. À l'intérieur, les Terriens tombent sur le cadavre d'une créature gigantesque ainsi qu'une machine à l'usage inconnu. Plus loin, ils trouvent plusieurs cosses totalement impossibles à ouvrir. Le 4 août 2326, se produit un tremblement et la machine commence à fonctionner. Les cosses éclatent et libèrent de petites créatures ressemblant à des insectes. Baptisés à cris de cerf, ces animaux se révèlent extrêmement dangereux. Ils peuvent dissoudre toute matière avec un acide qu'ils projettent et se reproduisent à une vitesse incroyable par scissiparité. Plusieurs hommes sont tués et les cosses amenés sur l'explorateur 3218, ont aussi éclos. En peu de temps, le navire est complètement détruit. L'équipage prend la fuite à bord de glisseurs et de chaloupes. Une équipe revient dans ce qui reste de l'explorateur pour envoyer un appel de détresse. Les 228 survivants, sur un équipage de 400, décident de mettre le maximum de distance entre eux et les cris de cerf et s'installent sur une île lointaine. Une veille est organisée pour empêcher l'arrivée des cris de cerf. Plusieurs vagues des cris de cerf sont repoussées, mais la situation semble désespérée quand le cuirassé Assor, avec Perry Rodden, fait son apparition. Les survivants de l'explorateur 3218 sont pris à bord et une bombe atomique est lâchée sur Zan Malon. Le fascicule allemand numéro 158, Le fléau de la galaxie, écrit par Clark Dalton en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 69, Le fléau de la galaxie, paru chez Fleuve Noir en 1986. L'Assor s'éloigne du système d'Ex-Zanma. Durant le vol, Perry Rodden est informé que des écrits de cerf sont signalés sur de nombreuses planètes, dont la seule échappatoire est la fuite. Tous ont fait leur apparition le 4 août. Rodden décide de faire demi-tour. La catastrophe frappe alors, des écrits de cerf sont repérés à bord. La cause en est le professeur Nordman, qui en avait emporté un sur Zan Malon. Le vaisseau doit être abandonné. L'équipage survivant fuit à bord d'une annexe du croiseur et trouve refuge sur une planète baptisée Hirosha en raison des restes d'une guerre atomique. Sur la planète, les Terriens découvrent des survivants de la guerre atomique, mais en raison des mutations, ce sont maintenant des monstres hideux. Ils tombent ensuite sur une créature gigantesque dont l'apparence correspond au squelette découvert sur Zan Malon, une sorte de ver de 20 mètres de long, capable de tirer des éclairs d'énergie. Il est baptisé Anélissaire. Les survivants de l'Assor affrontent tant bien que mal le monstre, mais rien ne peut l'arrêter. Des hyper-impulsions, échangées avec les écrits de cerf restés à bord de l'annexe plongeant dans le soleil, sont même détectées. Les Terriens sont sauvés par l'apparition du cuirassé Cantor, qui a répondu à un appel de détresse. Il utilise toutes ses armes et parvient à tuer l'Anélissaire. Des cavernes, semblables à celles de Zan Malon, sont découvertes, de même qu'une étrange machine. Ils doivent affronter des autochtones pourvus d'armes modernes, laissées là par les constructeurs de la machine. Les Terriens pensent que l'Anélissaire a été déposée sur la planète par des inconnus et que la machine sert à le contrôler. Le fascicule allemand numéro 159, L'émir chasseur du grand fauve, écrit par Kurt Brand en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 70, Le miroir de Molkex, paru chez Fleuve Noir en 1986. Des centaines de planètes ont été attaquées par les écrits de cerf, et la seule solution est la fuite. Il suffit d'un seul cri de serre à bord d'un vaisseau pour qu'il se multiplie et ravage tout. Les planètes affectées finissent par être entièrement recouvertes par un mystérieux matériau. La nef Biopozy Box 394, qui fait partie de l'escadre mise à disposition de l'OMU par le monde sans soleil, constate que la planète Nitet, une base des francs-passeurs, est envahie par les écrits d'Ossère. Elle repère un objet volant inconnu, mais est abattue par celui-ci. Perry Rodden part pour la planète Nitet, entièrement ravagée par les écrits d'Ossère, à bord du Tudor. Il est rejoint par plusieurs autres vaisseaux. La surface est totalement nue, il ne reste que des collines basses arrondies. Le mystérieux matériau, qui recouvre les planètes attaquées par les écrits d'Ossère, a disparu. On suppose que quelqu'un l'a récupéré. Des anélicères sont alors repérés. Des robots tentent d'attaquer l'un d'eux, mais ils sont détruits par les éclairs d'énergie qu'émet le monstre. Nathan, la biopositronique lunaire, estime, à la surprise de tous, que les anélicères sont des êtres intelligents. Des impulsions identiques à celles émises par les anélicères sont repérées dans l'espace. L'émir entreprend de traquer et d'en capturer un. Pour cela, il s'appuie sur des filets spéciaux en terkenite. Malgré tous les moyens déployés, armes, robots, filets et gaz, il n'arrive pas à capturer le monstre. Enfin, l'anélicère est pris dans un filet que remorque le Tudor. C'est alors qu'une flotte de vaisseaux inconnus fait son apparition, apparemment appelée par des impulsions émises par les anélicères. La bête se tue elle-même, emportant le Tudor dans sa faim. L'équipage gagne un explorateur qui prend la route de M13. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté les résumés du cycle 4, des fascicules 150 à 159, des aventures de P.U. Rodden, tels que rédigés par Michel Van Rue. Vous pouvez le trouver à rodden.stellark.com. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, Incopedate.com et Christian Martin. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons, Share Alike et est une production 2015 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.